Sal Music. Biggie Joe on the beat. Pop on the sound. C'est holiday, eux ils boudent. Everyday c'est very good. J'vois ma tête dans le bleu. J'fais grimper les mailles sur Flying Blue. Flying Blue, Flying Blue. Everyday c'est very good. J'vois ma tête dans le bleu. J'fais grimper les mailles sur Flying Blue. Baby rebondit, moi j'étais au star avec les gars de Bondy. A ma gauche, à ma droite, y'a des bandits. Ceux qui te mettent sur une chaise, les yeux bandés. Et la cagoule, c'est pas que pour mardi gras. Tu veux quoi, du filtré, du gras? Tu veux quoi, de la zipette, les roues? J'fume un joint, les petits font des roues. J'm'endors en GAF, j'ai des rêves d'homicide. 78 poids d'arrêt, j'tombe à domicile. J'vais m'bédave au moins deux missiles. J'me sens comme si j'étais deux Messi. IDS des 2004, j'allais déjà braquer ED. Vous êtes tombés pour à peine 2G, on les fout en L2, nous c'est L2B. Je viens plus de la soirée, je suis sous ruinard. J'ai toujours mon dodo bec, tu peux me croiser dans un vélard. Des fois j'oublie que je suis connu, je me balade seul dans Paname. C'est que t'es connaissent mon gang, à la vie, à la mort, le gang, le gang. C'est holiday, eux ils boudent. Everyday c'est very good. J'vois ma tête dans le bleu, j'fais grimper les mailles sur Flying Blue. Flying Blue, Flying Blue. Everyday c'est very good. J'vois ma tête dans le bleu, j'fais grimper les mailles sur Flying. J'ai l'élégance à Sarkozy, si à Ménich, c'est pas pour causer. J'ai calé un nine dans le cozy. Proximité de Preda pour les dossiers. Je veux ma journée au bout, mais pas pour la frime. Ils ont pas un euro, donc ils veulent ma vie. J'arrive en fait la ouais, t'es mon prix, c'est même pas mon anime. J'suis avec la ONI. C'est holiday, eux ils boudent. Everyday c'est very good. J'vois ma tête dans le bleu, j'fais